toutes et à tous, vous êtes bien sur le 107 FM, vous êtes bien sur Radio Gémozo. Coucou, comme toujours, à ceux qui nous écoutent via Internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Et vous l'avez bien compris, hein, comme tous les midis, vous êtes bien installés dans la bulle. Bienvenue. Aujourd'hui, nous voguons sur l'air du papier, émission que vous auriez dû entendre ce lundi. Eh bien, j'ai été malade, et oui, ça arrive, mais pas de panique, on est bien ensemble aujourd'hui. Eh bien, avec monsieur Pascal Larrière, premier adjoint au maire de Golbey, et Jasmine, adjointe aux fêtes et cérémonies. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, Lia. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et bonjour à vos auditeurs. Eh ben voilà, super. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler, eh bien de pas n'importe quoi d'ailleurs, à la première édition de la fête du papier. Ça, c'est quand même plutôt innovant. Elle aura lieu dimanche 29 avril de cette année, forcément. Hein. Voilà, donc on en parle aujourd'hui. Alors, où ça va se passer à Golbey, mais où exactement à Golbey ? Ça se passe au centre culturel, donc d'accord, au centre de la ville de Golbey. D'accord. Voilà. Alors, je cite le département forestier par excellence, c'est les oui. Vosges. Ils ont une relation privilégiée avec le papier. Alors, beaucoup d'entreprises conjuguent ou ont conjugué. Certaines ont malheureusement fermé depuis le papier sous toutes ses formes. Pour les plus connus, on va citer Clairefontaine, oui. L'imagerie d'Épinal, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Elles parlent forcément à tous. Il était normal pour la commune de Golbey, donc, de mettre à l'honneur ce papier. Mais qui est exactement à l'initiative de ce projet et de cette première fête du papier ? Eh bien, écoutez, le maire a souhaité faire une fête à Golbey. Oui. Donc, nous sommes concertés avec notre commission. D'accord. Et nous avons décidé de faire une fête du papier. Le textile étant disparu dans les Vosges. Oui. Donc, on s'est orienté sur le papier, étant donné que nous avons Norcoscoke. Oui. Qui est notre usine principale à Golbey. Et oui, qui est la première usine en Europe par importance au niveau de la fabrication du papier journal. Voilà. C'est ça. Et lorsque nous avons sollicité dans un premier temps son directeur général, Yves Bailly, ça a été tout de suite l'adhésion sans restriction. Hein, en un quart de seconde, il a répondu présent. Mm-hmm. Nous avons ensuite rencontré Madame Dominique Beaumont, la directrice de la communication, qui était très enthousiaste, oui. Et avec qui nous avons plusieurs comment dire réunions, oui. Et ça se passe je dirais que ça se passe dans le meilleur état du monde possible. Oui. Oui, oui, on a eu un accueil très très favorable très favorable ah, oui. De leur part, hein. Et oui. Oui, ça a vraiment redynamisé le département des Vosges, hein, ces oui. entreprises oui. du papier, oui, c'est hein. une usine qui est sur Golbey depuis 1992. D'accord. Voilà. Il y en a eu beaucoup d'autres avant, et c'est pour ça, c'est pour cette dynamique que le papier a donnée, que vous avez voulu créer cette fête. Oui. C'est ça. Hein, lorsque la commission s'est réunie, on a cherché. Au départ, ça devait être une fête qui symbolisait, qui avait un attrait propre sur Golbey. Donc, oui. Comme l'a dit Jasmine, le textile ayant malheureusement disparu, oui. Certes, il y a d'autres entreprises, mais je crois que le papier s'imposait à Golbey, et puis de part non seulement sur Golbey, mais sur l'ensemble du département des Vosges. Mm-hmm. Hein, il y a aussi d'autres usines papetières. Le département est très boisé. Oui. Donc ça a sauté, comme on dit, ça a sauté aux yeux de la majorité des membres de la commission. Voilà. Et on est parti là-dessus. Eh ben c'est super. Bravo à vous pour cette initiative. Merci. Combien de personnes vont être présentes et actives sur ce projet ? Alors, nous avons une quinzaine de personnes. Oui. Voilà. Donc, il y aura... Alors, le thème de cette année, nous avons décidé de faire un thème sur l'origami. Oui. Hein, voilà. Donc, il y aura des personnes qui vont fabriquer beaucoup de choses en origami. Il y aura des petits ateliers. D'accord. Il y aura également un spectacle de cerf-volant. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, je pense que les enfants seront vraiment satisfaits d'avoir ce beau spectacle. Atelier également de fabrication de cerf-volant. Oui. Nous avons Louise Michel, donc l'association Louise Michel de Golbey, avec les enfants donc, qui sont en train de faire des vêtements en papier. Ah oui, alors ça, c'est super. Ça. Voilà, donc il y aura un défilé de mode. Ça, c'est génial. Ouais, ouais, ouais. Qui est à cette initiative, qui a, voilà, à l'initiative de ce défilé de mode en papier? Ça, c'est quand même quelque chose d'innovant, ça. Oui. Mais nous avons rencontré, justement, par rapport au centre social, nous avons rencontré sa directrice. Nous avons rencontré aussi Golbey Animation, oui, qui est d'accord. Une autre association qui fait pas mal de choses avec les enfants sur Golbey. Donc, nous, on l'a dit, nous avons rencontré Norske Skog. Hein, ensuite, nous avons eu des réunions et suite à ça, chaque participant potentiel a pu nous dire ce qu'il comptait, ce qu'ils espéraient, ce qu'ils voulaient mettre en place pour cette fête. Voilà. Les associations et les entreprises de Golbey, là, elles se fédèrent autour de cette fête du papier? Non, il y a juste... Là, on reste quand même sur autour de Norske Skog, hein, puisque il n'y en a pas d'autres, donc on reste autour de Norske Skog. Mais les d'autres associations, hein, comme on l'a dit, Golbey Animation, Louise Michel, hein, la Société des Fêtes aussi va participer. Société des Fêtes, L'Union musicale de Golbey va aussi participer. Mm. Hein, donc il y a quand même d'autres associations. On n'est pas tout seul. Non. Eh bien oui, ça c'est super ça. De pouvoir travailler avec d'autres associations. Oui. Et du coup, les écoles, là, vont participer ? Oui, tout à fait. Les enfants vont être en vacances. Ah oui. Donc là, ils vont travailler sur le sujet, sur le papier, sur ce défilé de mode. C'était fait exprès, là, cette date, justement ? Non, pas vraiment. Ah, non, d'accord. Non, pas vraiment. C'est donc, juste c'est bien tombé effectivement sur les vacances scolaires, donc ce qui permettra aux enfants d'avoir une belle activité. Eh oui. Mm. Donc, du coup, là, ils sont en train de travailler à ce défilé de mode. Exactement. D'accord. Alors, qui vont... Et même les grands-enfants, vont participer, puisque les ALE, qui est l'École supérieure d'art de Lorraine, oui, qui est située salue. Rue des oui. Jardiniers à Épinal, oui. va aussi participer à cette fête. Ah ben oui. Oui. À quel niveau vont-ils participer? Avec des créations? Des créations, tout ouais. à fait. Oui, oui. Ils vont exposer différentes oui, choses? Exactement. Oui, exactement. On attend de voir. Ah, voilà. Ça va être un peu la surprise. C'est oui, la surprise. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Là, ça va vraiment être une fête intergénérationnelle. Ça va être une belle fête, je pense. Avec des petits, des grands. Oui. Voilà, oui, autour de cette mélange. Fête du papier ouais, exactement. Pour s'amuser. Oui, pareil, il y aura, pour animer cette fête, il y aura un orchestre de jazz. Oui, hein, Blue Dixie Bang, c'est ça. De Golbey le matin, un orchestre un petit peu... qui va déambuler qui un va petit déambuler, peu oui. dans le centre culturel, dans la rue adjacente. Mm. D'accord. Bon, on espère bien sûr, on croise le les doigts temps. Pour avoir le soleil. Que le soleil soit au rendez-vous. Mais oui, il sera au rendez-vous. On espère. Il sera au rendez-vous. Alors, on le voit, ben, c'est toute une organisation hein, pour cette première fête. Exactement. Du papier. Ça s'organise, ça se construit depuis quand ce projet? Depuis l'automne, on va dire. Oui, à peu près. Hein, depuis, ça fait six bons mois quand même. Oui. Hein, ah oui, oui, à peu près. Hein, bon, l'idée avait déjà germé un petit peu avant, mais il y avait eu, bon, les vacances étant arrivées. Oui, on avait attendu la fin des vacances voilà, pour vraiment mener à bien ce projet. Ça fait 6-7 mois, quoi, ça. Mm-hmm. Pour voir le bébé apparaître. Donc, jonché de réunions durant ces six mois, comment on s'organise pour créer cette fête? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à organiser. Beaucoup de réunions déjà, oui. Hein, bien sûr, pour en parler. Contacter bien sûr les gens. Oui. Regarder sur internet les gens qui font de l'origami. D'accord. Alors donc, l'origami, il faut quand même nous présenter cette chose très exceptionnelle qui est l'origami. Oui. Hein. Ce sont des pliages en papier. Voilà, des pliages en papier, c'est très très minutieux. Oui. Ça représente un énorme travail. Oui, c'est vrai. Et donc il y a beaucoup de sujets, des personnages, des animaux. Oui. Enfin, vraiment énormément de choses. Hein. Moi, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, malheureusement. Mais c'est vrai que quand j'ai vu quelques photos sur l'origami, j'ai vraiment été scotchée. Et parce là, que c'est vraiment très, très beau. Et c'est vraiment un énorme travail. Et c'est Norske Skog qui va vraiment fournir tout le papier nécessaire pour faire ces origamis? Non, pas tout. Et Norske Skog nous aide énormément au niveau papier, c'est vrai. Ils ont des bobinos, voilà. Comme ils mettent à notre disposition, oui. Comme ils appellent. Mais bon, pas au niveau de l'origami, non. Pas au niveau de l'origami. Parce que c'est du papier particulier quand même. Oui, c'est vrai. C'est un papier particulier. C'est un parti avec un format aussi particulier. Oui. Et donc là, il y aura des ateliers tout au long de la journée pour apprendre à faire de l'origami. Oui, tout à fait. Et il y aura également des ateliers de calligraphie. que Louise Michel va faire sur la calligraphie. D'accord. Oui, oui. Alors, c'est le centre social Louise Michel. Qui est situé sur le, qui est situé sur le quartier du Haut-du-Gras à Golbey. D'accord. Et qui, comme son nom l'indique, a vocation sociale, mais qui fait énormément, qui a des activités multiples et diverses et qui est très apprécié et qui a un nombre, j'ai pas en tête le nombre d'adhérents, mais ils font vraiment un travail formidable sur Golbey. Avec les enfants. Aussi bien pour les petits que pour les grands, parce que c'est, suivant leurs activités, ça peut être des enfants d'âge scolaire, voire des adultes ou jusqu'à de la gymnastique volontaire ou des activités pour retraités, il faut un gros boulot sur Golbey. C'était important. C'est Françoise Claudel qui en est la directrice. Ouais. D'accord. C'était important pour vous de les faire participer. Oui, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Comme ça, les enfants participent également à cette fête du papier. Tout comme il était important de faire participer donc Louise Michel, l'association Louise Michel, mais également Golbey Animation. Golbey Animation qui également. Qui est l'autre grosse structure de Golbey, mais qui elle est située justement sur dans le centre culturel de Golbey, donc qui est déjà sur place. Mm-hmm. D'accord. Ce sont les deux grosses associations qui s'occupent des enfants, en semaine des genre garderie, travail scolaire, qui. Là, on avait envie de fédérer toute la ville de Golbey autour de cette fête du papier. Absolument. Tout à fait. Mais toutes les bonnes volontés. Voilà. Mais il n'y a pas que les Golbéens qui seront les bienvenus. Ah ben non. On invite toutes les personnes qui vont nous écouter à venir ce dimanche 29 avril. C'est à partir de 10h. Oui. L'inauguration est à 10h30 et ce jusqu'à 18h. On fera le retour sur cette programmation. Avec vraiment des choses exceptionnelles tout au long de la journée. Vous êtes très enthousiaste, Jasmine. Ça donne vraiment très envie de venir. Ça me fait plaisir, effectivement, de vous parler de ce projet, de cette fête. Et c'est vrai qu'il y aura un concours de lancer d'avions en papier à 14h30. On fera le tour sur cette programmation ensemble un petit peu après. Pour le moment, on va se lancer dans une première bulle de son, si vous le voulez bien tous les deux, avec tout simplement le géant de papier. Fois-ci, ce sera en live avec les Enfoirés. Et on se retrouve juste après. Super. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales, sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, louant ton corps de femme, je suis un géant de papier. Cette planète où un dieu se perdrait, elle est pour moi comme une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable. Devant ton corps de femme, Nous sommes toujours ensemble dans la bulle avec aujourd'hui eh bien, nos deux invités, hein, Pascal Larrière et Jasmine, qui viennent nous parler eh bien, de la première fête du papier qui aura lieu dimanche 29 avril à partir de 10h à Golbey. Notez bien cette date pour cette première fête du papier qui, je l'espère, eh bien, sera la première d'une longue série. C'est prévu qu'il y en ait tous les ans des fêtes du papier. Ah, mais effectivement, si cette fête est une réussite, on renouvelle. J'espère pour vous que ce sera une réussite. Ben, alors, il y a beaucoup de participants. Alors, on a parlé donc de la papeterie Norske Skog, oui. Donc qui sera présente à travers différents supports permettant de la découvrir et de comprendre le monde du papier et de ses métiers. Oui. Est-ce que ça, c'était aussi important, eh bien, un petit peu de sensibiliser peut-être la jeune génération à ce métier dans la papeterie pour voir perdurer un petit peu l'emploi et puis la papeterie Norske Skog? Exactement. Oui. C'est pour ça que Norske Skog va passer en boucle un petit film pour montrer aux gens comment ça se passe à leur niveau. Et oui, il y a plein d'emplois. Exactement. À travers cette entreprise qui est vraiment très grande. Si ça peut aussi susciter des vocations, oui. Pourquoi pas, quoi. Donc on retrouvera à travers tout ça eh bien, les métiers qu'ils proposent, comment ça se passe pour la transformation du papier, etc. C'est ça ? C'est ça, exactement. Le film passera en boucle. Des informations sur l'apprentissage, enfin sur... Ce sera assez complet. Donc vous pourrez découvrir la base du papier, sa fabrication, sa transformation et sa forme finale eh bien, avec cette fameuse papeterie Norske Skog qui sera présente. Qui sera présent d'ailleurs de cette papeterie au sein de la fête du papier de Golbey? Madame Dominique Beaumont. Et son directeur, Yves Bailly. Son directeur général, Yves Bailly. Et puis on espère aussi d'autres personnes. Si tous les employés de Norske Skog veulent nous rejoindre. Ça fera du monde, mais ils seront les bienvenus. Il n'y a pas de problème. Est-ce que Golbey va être assez grand pour accueillir autant de monde? On fera de la place. Peut-être ça débordera, mais ce n'est pas grave. On agrandira la rue. Pas de souci, tout le monde sera le bienvenu. Et les bienvenus. Alors, à part cette papeterie, donc bien sûr, qui sera vraiment la figure numéro un de cette fête du papier, forcément, on comprend bien pourquoi. Il y aura d'autres participants. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus? Alors, il y aura une dame, Madame Roger, donc, qui crée des robes en papier. Oui. Donc, ces robes en papier seront exposées sur des mannequins. D'accord. Il y en aura environ 8. Donc, voilà. Patricia Roger. Très gros travail à ce niveau-là. Donc, qui est fondatrice de sa propre marque Demoiselle de Cœur. Voilà, et qui est une créatrice de prêt-à-porter uniquement composée de matières biologiques, mais aussi de papier. Exactement. Alors ça, c'est fou, unique en Lorraine. Hein. Cette Silice vous fera découvrir eh bien, son univers très fragile de robe de mariée en papier. Il ne faut pas avoir peur. Non. Patience, soin et imagination sont à la base de ces modèles uniques et délicats. Alors, comment vous avez contacté cette dame? Est-ce que c'est elle qui est venue à vous? Est-ce que c'est vous qui l'avez contactée? Non, pour c'est Elodie qui a recherché sur Internet et qui a trouvé cette dame qui faisait des robes en papier. Donc, elle l'a contactée. D'accord. Et cette dame a eu la gentillesse de venir à cette fête du papier. Voilà. Ça, c'est très gentil de sa part. Donc, ça sera à 16h30, hein, ce défilé de mode en papier, de vêtements en papier, sur le podium rue Jean Bossu ou sur la scène du Centre culturel En fonction de la météo. Le défilé de mode, ça concerne le Centre Louise Michel. D'accord. Ah, voilà, donc les personnes, les enfants et les accompagnants vont créer des robes en papier. Donc là, ça fera l'objet du défilé de 16h30. D'accord. Hein, voilà, Madame Roger, elle a créé ces modèles qui seront exposés sur des mannequins. Est-ce qu'elle a créé ces modèles avec justement les participants du Centre social Louise Michel? Madame Roger? Oui. Non. Ils vont juste venir là les porter? Voilà, tout à fait. Elle, Madame Roger, vient avec ses robes à papier et les expose. Alors, le Centre social Louise Michel, on en a parlé tout à l'heure, mais on peut faire un petit focus quand même sur ce centre qui est implanté depuis 30 ans donc, à Golbey, qui est un acteur fort de la vie, de la cité avec ses adhérents. Sa directrice donc, a préparé de multiples activités, entre autres eh bien, ce fameux défilé de mode de vêtements en papier et la création d'une montgolfière en papier. Oui. Alors ça, j'aimerais bien en savoir plus. Si vous pouvez m'en dire plus. Oui, écoutez, ça va être la surprise pour nous aussi. D'accord. On nous a dit qu'elle serait assez volumineuse. Ah, ça donc, c'est sympa. Donc, ça va être la surprise totale. Alors, c'est vrai que les enfants, je pense, que vont faire un énorme travail. Alors, ils ont carte blanche au centre social Louise Michel. Exactement. Michel. C'est voilà, carte c'est blanche. Ça. C'est ça, on ne l'aura pas. Et nous, on ça va être la imposé. Surprise. Oui. Ce sera pour nous la oui. surprise. Agréable, on l'espère. Oui. Nous, on n'en doute pas non plus. On n'en doute pas non plus. Donc, on leur laisse à partir du moment où c'est le voilà. papier. Donc, c'est vrai, effectivement, ça tombe très, très bien qu'il y ait les vacances scolaires. Eh bien, oui. Donc, ça va occuper les enfants. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Oui. Donc, ils viendront encore créer pendant les vacances scolaires au centre Louise oui. Michel. Oui, d'accord. Tout à fait. Waouh, ça, c'est... Il y a des activités tous les jours durant les vacances scolaires. D'accord. On s'occupe des enfants, voilà. même pendant les vacances. Comme à Golbe Animation, c'est pareil. Ils vont... D'accord. Oui. Donc, c'est une association de loisirs et d'accueil d'enfants, la Golbe Animation, oui. comme on l'a vu avec Pascal tout à l'heure, hein, qui, eux, exposeront également des projets réalisés par leurs jeunes adhérents. Alors, ça, c'est fou. On vous offrira des bouquets de muguet en origami. Oui. Bah, ça, oui, c'est ça, génial. C'est Golbe Animation oui. comme doit, il a le 1er mai va préparer tout est ça. Très proche. Ah oui. Hein, c'est vrai. Donc, le 29 avril, il y a le 1er mai après. Mais donc, vrai. Les enfants partiront avec un petit bouquet, un bah petit brin voilà, de muguet. Voilà, c'est super. Ouais. Il y aura un atelier photo pour être pris en photo avec ses origamis. Oui. Et ça, c'est sympa. Et ce sera donc les brins de muguet, donc par Golbe Animation. Bon, ils ont, oui. d'autres, ils ont d'autres projets que l'on découvrira. Que l'on découvrira. Avec plaisir, le jour J. Ça voilà. va être très dynamique, hein, cette fête du papier. Oui. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de choses différentes aussi. Oui. Hein, voilà, donc les personnes qui viendront à cette fête du papier vont découvrir effectivement beaucoup de choses. À mon avis, ça vaut le coup oui. vraiment d'aller y faire un tour. Le programme, il sera très, très oui. vaste. Hein, on l'a dit, début de la journée, ça commence dès 10h. Qu'est-ce que le public va retrouver à 10h en ce début de journée? Alors, 10h30, l'inauguration. Est-ce, oui. est-ce qu'il se passe quelque chose entre 10h et 10h30? Non, non les gens peuvent venir et puis... voir un petit discuter peu avec voilà. les exposants voilà les, puis les éventuellement acteurs, faire des activités commencer des activités vous serez sur place tous les deux comment ah, ah oui, bien, oui sûr. bien sûr que nous serons sur place bah, dès 8h et puis même ah oui. Dès le samedi l'installation oui. de pour certaines personnes hein, il y a oui. quand même il y a quand même une les petite stands. Mise en place nous serons là dès le samedi il y a pas de problème eh ben dis donc quel investissement vous pourrez retrouver Pascal et Jasmine oui. nos deux invités du jour donc le matin et à midi bah, il faut penser quand même se restaurer un petit peu et là ce sera la société des fêtes avec son président Gilles Mussier et toute son équipe qui vont faire des frites, griller les saucisses alors que les frites qui vont être dans des cornets en papier dans des petits cornets en papier ce sera des vrais frites tout va être aussi à la base du papier donc il y aura une restauration et de quoi aussi s'abreuver hein, parce oui. qu'il y aura boissons et nourriture donc on peut passer la journée à Golbe. Ah oui. Ah oui, bien au sûr, centre de la fête du papier, aucun problème. On pourrait passer la journée. Ça, c'est chouette. Oui. C'est chouette. Donc, l'inauguration aura lieu à 10h30. On va présenter quoi à ce moment-là? 10h30, nous allons faire le tour de tous les stands, présenter oui. les stands aux personnalités qui seront là. D'accord. Hein, voilà. Et puis après, les gens pourront baquer un petit voilà. peu de stand en stand, faire des ateliers... Et puis à 14h30, donc ce fameux lancer d'avions en papier oui. hein, qui seront faits par les enfants. Et ça, c'est chouette. Oui. Les avions en papier, ils seront fabriqués sur place ou alors ils les auront faits avant? On peut en fabriquer sur place, ouais. effectivement. Oui, oui. Pour ceux qui sera possible d'en fabriquer. Oui, oui, oui. Voilà, les petits comme les grands, vous oui, serez exactement. Les bienvenus. Exactement. Si vous ne oui, savez oui. pas fabriquer des avions en papier, c'est oui. le moment de venir à Golbe pour apprendre. Oui. Avant 14h30, quand même, de 11h à midi, il y aura un concert, celui oui. de l'Union Musicale de Golbe. Exactement. Hein, on ne va pas les oublier. Hein. Il prendra place sur le podium de la rue Jean Bossu, encore une fois, à partir de 11h, cette association golbéenne fera partie de la fête et fera résonner la rue au son de leurs nombreux instruments. Exactement. Voilà, ils ont répondu présent tout de suite eux aussi pour tout pouvoir suite. Participer. Oui, ils étaient très heureux de participer aussi à cette fête du papier. Oui, nous avons vu sa présidente, Charlène Martin, oui. hein, qui d'emblée a répondu présent. C'est une grande équipe, Golbe, hein. On oui. est tous on est tous les uns avec les autres. Oui. Bah, c'est chouette, ah, voilà. Ça. Nous, on aime bien la solidarité ici. Oui. Voilà, c'est un mot que l'on apprécie beaucoup. Alors, si vous le voulez bien, eh bien, on va tout simplement se lancer dans une deuxième bulle de son avant de continuer sur cette fameuse fête du papier. Ce sera la première, hein, première édition de la fête du papier le dimanche 29 avril, je le répète encore, à Golbey. Alors, bah, on écoute les petits papiers. Hein, de Régine, avec un invité avec elle, Tomouya. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Laissez parler des petits papiers à l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier du riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. Un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent. Faut pas se leurrer, papier doré, celui qui touche, papier tu mouches, et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier monnaie, eux l'on nomme, papier à fleurs, eux l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir papier plus bas vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Puisse-t-il un soir papier plus bas vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer. Nous sommes toujours ensemble sur Radio Guémozo, hein, avec nos deux invités du jour, Monsieur Pascal Larrière, premier adjoint au maire de Golbey, et Jasmine Périgny. Hein, Jasmine, adjointe aux fêtes et cérémonies de la ville de Golbey. Merci à tous les deux d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, on avait envie de refaire un petit peu un tour sur ce fameux atelier photo que va présenter CQFD Events. J'espère que j'aurai bien prononcé ce nom. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver avec eux à ce moment-là ? Jasmine. Eh bien, les visiteurs pourront repartir chacun avec un petit souvenir de cette journée. Oui. C'est-à-dire que ce CQFD, oui, donc, va prendre en photo les personnes qui le veulent bien. D'accord. Et autour de cette photo, vont faire un petit sujet en origami. Tout à fait. Donc, ça fait un petit bonhomme en origami. C'est donc chouette. Donc, ils pourront repartir avec ça. Eh bien, voilà. Donc, ça leur fera un petit souvenir assez sympathique. Tout à fait. Le principe, donc, c'est le visage des visiteurs, voilà, qui est pris en photo et donc, oui, incrusté sur le corps d'un personnage créé, exactement, spécialement à l'occasion. Donc ça sera un atelier qui sera présent toute la journée. Toute la journée. Donc on peut venir participer, exactement, librement. Tout à fait. Alors ça, c'est intéressant quand même de le dire aux gens. Cette fête du papier, elle est en entrée libre. Hein, c'est libre, gratuit. C'est gratuit. Totalement gratuit. Donc tous les ateliers sont accessibles à tous. Voilà. Et ça, ben, c'était important de le préciser pour les gens. Par la restauration, voilà. Et buvette, oui. Le reste est totalement gratuit. Oui. Ben, ça, c'est chouette. Vous avez bien compris, vous pourrez retrouver plein d'activités. Il y aura de la musique, on pourra se restaurer. Il y aura des ateliers pour vous amuser. Et puis ça, ça fait plaisir en espérant bien que le soleil soit également présent ce jour-là. Hein. Et puis s'il n'est pas présent, ben, on fera autrement. Et puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc. Il y a un acteur aussi dont on n'a pas parlé, ben c'est le SICOVAT, parce que le papier, ben on l'utilise, mais on le recycle aussi. Ah oui, ça c'est important. Donc ils auront aussi un petit stand, ils seront là pour expliquer ben sur le recyclage du papier. Ils vont sensibiliser les gens un petit peu au tri sélectif, et surtout au tri du papier à ce moment-là. Oui, puisque on est dans le papier, donc... Et ben ça c'est chouette. Donc il y aura un stand, il y aura un atelier aussi donc avec eux. Oui, tout à fait. Ah, ça, voilà, comme ça ils vont expliquer aux gens comment faire pour bien trier le papier. Est-ce qu'ils vont expliquer quelles conséquences il y a si on ne trie pas correctement son papier ? Très certainement. Oh, oui, je pense que très certainement. Bon, on n'a pas, ils nous ont pas donné de A à Z de tous leurs petits secrets, on va dire. Oui. Hein, mais oui, très certainement. Il y a pas des. C'est une fête remplie de surprises, la fête du papier de Golbey. Pardon ? C'est une fête remplie de surprises, la fête. Il y a ça aussi. Bah oui, parce qu'il faut aussi faire confiance faut faire confiance aussi aux participants, à leur imagination. Mmh. À leur savoir-faire et puis voilà. On ne peut pas nous tout savoir, tout faire, et il faut faire confiance. Eh ben, tout à fait. Ça, et nous c'est également, on aura de bonnes surprises parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas tout. Eh ben oui, être à l'origine donc d'un nous, événement, ce sera une surprise aussi. Être à l'origine d'une création d'événement comme ça et puis se rendre sur place pour voir un petit peu ce qu'a donné l'imagination et l'investissement des gens, ça doit être plutôt sympathique. Alors, il y a d'autres acteurs qui seront présents sur cette fête du papier, comme l'association des Arbres pour la Vie. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ? Donc, c'est une association locale qui a pour but de réaliser des projets d'agroforesterie partout dans le monde. Donc, l'agroforesterie, ça désigne l'association d'arbres et de cultures ou d'animaux sur une même parcelle agricole. Donc là, il y a vraiment une action un petit peu écologique dans cette fête du papier qui a été importante de mettre à jour. Exactement. Donc, on va démarrer par cela. Oui. Par Monsieur Aubertin, qui a créé cette association, oui. Et qui nous a fabriqué des arbres en bois. Oui. Donc le bois, ça démarre. C'est et après, la naissance du papier. Voilà, exactement, oui. C'est le bois. Après, c'est le papier. Et puis après, le papier sous toutes ses formes. Et oui. Voilà. Mais on démarre par. Par le SICOVAT. Oui. On démarre par Monsieur Aubertin, création d'arbres en bois. Ah ça c'est sympathique. Alors il y a toute une filière, comme vous disiez, Pascal. Alors de la naissance donc de l'arbre jusqu'au recyclage du papier. Oui. Est-ce que ça a été fait de façon stratégique un petit peu les stands ? Est-ce qu'on va commencer par l'arbre et puis finir au stand ? Exactement. Oui, parce qu'il faut quand même un suivi puis une logique. Oui. Hein, on ne va pas commencer par recycler le papier. Ah, il faut à la naissance de l'arbre. Oui. Hein, qu'est-ce qu'on fait avec l'arbre ? Comment ça va se passer ? Oui, donc comme je l'ai dit, terminé par le SICOVAT. Oui. Donc il va y avoir tout un cheminement et un circuit. Avec en plus la papeterie Norskeskog, voilà, là qui va pouvoir vraiment retracer un petit peu l'histoire aussi de la création du papier. Ouais, et ça, c'est important aussi pour les jeunes, qu'ils sachent un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quelle transformation pour arriver au papier. Parce que des fois, ils ont un petit peu oublié quand même. Oui, tout à fait. Hein, que le papier, c'est vrai, ça venait des arbres. Quand ils ont un crayon dans la main... Ils ne s'imaginent pas que ça vient quand même de l'arbre. Eh oui, et ça c'est important quand même pour eux de le préciser. Exactement. Alors il y aura d'autres acteurs pour participer à cette première fête du papier avec Festival qui va proposer un spectacle de cerf-volant exceptionnel. Alors ce spectacle de cerf-volant... Ça se passera à 15h30 rue Jean Bossu. Oui. Alors, rue Jean Bossu, pour ceux qui ne connaissent pas Golbey, je suppose que c'est quand même la rue principale. C'est tout près. C'est en perpendiculaire de la rue principale. C'est juste derrière l'église. D'accord. Hein, on ne peut pas se tromper. Là, on voit l'église et de toute façon, il y aura du monde, il y aura de l'animation. Oui. Donc, les personnes qui viendront nous rejoindre n'auront aucun mal à nous trouver. Il faut simplement aller au centre-ville et tout sera indiqué. Tout sera indiqué. Tout sera visible, on va dire. Oui. Eh ben Bah oui, oui, j'imagine bien. Et donc ce spectacle durera de 30 à 45 minutes. D'accord. Voilà, ce sera réalisé par des professionnels sur un fond musical. Waouh. Oui, oui, ce sera vraiment... C'est une entreprise dijonnaise dans les environs de Dijon qui propose ce genre de spectacle. Ouais. Oui. Donc le papier prendra de la hauteur donc grâce à ce superbe spectacle de cerf-volant plein de promesses. Alors je cite, grâce à cette fameuse superbe plaquette qu'Élodie avait préparée, que je salue. Hein, oui, et on remercie Élodie énormément pour son fabuleux travail. Et oui, vraiment. Tout à fait. Alors, poésie, spectacle et prouesses techniques mettront des étoiles dans les yeux des plus petits aux plus grands. Les enfants pourront ensuite fabriquer leur propre cerf-volant. Bah forcément, ça va leur donner envie, hein, tout ça, pour tenter de refaire les mêmes acrobaties aériennes à la maison. Alors, ouais. Il va falloir un petit peu d'entraînement, mais c'est possible, faut pas se décourager. Et puis, il y a un petit peu l'histoire du cerf-volant. Alors, né il y a approximativement 2500 ans en Chine, le cerf-volant est rapidement devenu une tradition en Asie. Il fut utilisé à des fins stratégiques pendant la guerre pour pêcher et plus tard pour des recherches scientifiques et transports. Alors ça, on l'apprend aujourd'hui. D'un loisir de détente, il passe par le sport et la compétition. Ce spectacle ne vous laissera forcément pas indifférent et vous transportera dans l'histoire de ces engins volants. Alors il y a des superbes photos. Est-ce que, encore une fois, là, ça va être totale surprise. J'imagine. Mais je pense une belle surprise. Donc là, ça se passera au centre de Golbey, j'imagine. Vous allez... Donc, spectacle de 30 à 45 minutes, à peu près. Ça va être super, avec un fond musical, comme vous le disiez, Jasmine. Je pense qu'à mon avis, Que les enfants vont être satisfaits de ce spectacle. Et tout comme les grands, je pense aussi. Nous également, c'est vrai. On a vu quelques extraits, on va dire, via Internet. Ça donne de beaux résultats. Ça a l'air grandiose. Si jamais la météo n'est pas au rendez-vous, comment on fait pour le spectacle de cerf-volant ? Eh bien, si la météo n'est pas au rendez-vous, en principe, ils peuvent le faire quand même. Ah, ça c'est sympa. Il faudrait vraiment une pluie battante, ou ils ne puissent vraiment pas rien faire. Oui. Mais même un temps comme aujourd'hui, normalement, il n'y a pas de souci, ça doit pouvoir avoir lieu. Pas d'excuse pour vous les auditeurs, vous pourrez assister donc à ce spectacle de cerf-volant dès 15h30. Ça se passera à Golbey pour la première édition de la fête du papier. Vous l'avez compris, il y aura beaucoup d'animation, beaucoup d'ateliers, beaucoup de dynamisme et puis de la bonne humeur. On le voit avec nos deux invités aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Alors, il y aura entre autres un petit atelier aussi de fabrication de serviettes en papier. Ah, alors, expliquez-nous. Les gens qui n'ont pas d'idée quand ils ont une petite réception à la maison, il y aura quelqu'un qui va les initier au pliage de serviettes. Ah bah ça, c'est ça chouette. Ça peut être sympathique aussi, ça. Eh bah oui, quand on veut faire son mariage ou un baptême. De l'origami, mais là, sur feuilles de papier. Voilà. Avec des papiers, des serviettes Denise en papier. C'est Denise qui fera cette animation. D'accord. Voilà. Qui est Denise ? Eh bien, Denise, c'est une bénévole à Golbey, qui est bénévole dans beaucoup d'associations. D'accord. Donc, qui sera présente ce jour-là. Et qui est passionnée de pliage Exactement, tout à fait. Eh bien, c'est spécialiste super. En la matière. Elle donnera donc quelques conseils aux personnes souhaitant décorer leur table de tout façon originale. Elle sait faire plein de formes différentes. Tout à fait, oui, elle fait énormément de choses, oui. Mais bah, c'est chouette. Oui. Quelle équipe à Golbey, franchement, je vous félicite encore. Venez à Golbey. Vous avez raison. À Golbey, on y est bien. Oui. Eh bien oui, tout à fait, on a l'air d'y être bien. Eh oui. Même quand il ne fait pas beau, on a l'impression qu'il y a du soleil ici avec nos invités aujourd'hui. Eh bien, ça fait plaisir. Alors, on se lance dans notre troisième bulle de son avant de connaître la fin et puis peut-être les autres acteurs qui seront présents au sein de cette fête du papier. On est écoute Princesse de papier avec Alexis HK et on se retrouve juste après. C'est sur des pages blanches qu'on dessine les légendes et la mienne fait jacasser les curieuses langues de gueuse. On dit que je vis dans le faste. Des rubis et des palaces. On dit que je sais dire merde quand on m'agace. Me voici, me gala, ici Paris. Je suis là, j'ai dans le cœur de quoi faire jaser la France des voyeurs. Me voici, me gala, ici Paris. Je suis là, j'ai dans la manche de quoi quoi faire rêver la France du dimanche. Entre deux couleurs, sous le casque du coiffeur, le roman de ma vie te réchauffe un peu le cœur. On peut faire rêver tant de destins de fantômes en racontant des histoires de princesses sans royaume. Me voici, me gala, ici Paris, je suis là, j'ai dans le cœur de quoi faire jaser la France des voyeurs. Me voici, me gala, ici Paris, je suis là, j'ai dans la manche de quoi faire rêver la France du dimanche. Remercier de te faire autant rêver, tu me montres du doigt lorsque tu me crois en vrai. Il faut croire que tes parents et les manias de la presse ont omis de t'enseigner quelques lois de politesse. C'est pour ça que je ne t'en veux pas, qu'on me livre à toi contre 2 euros ou 3. C'est pour ça que je ne t'en veux pas, je n'attends pas d'être remercié, je ne suis qu'une princesse de papier. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle sur Radio Guémozo avec Jasmine Périgny, adjointe aux fêtes et cérémonies de Golbe, et Monsieur Pascal Larrière, premier adjoint au maire de Golbe aussi, bien entendu. Merci encore à tous les deux d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, vous l'avez bien compris, on parle du dimanche 29 avril où aura lieu la première édition de la fête du papier à Golbe. On retrace donc son histoire, ses utilisations depuis sa source, l'arbre, jusqu'à son recyclage en passant par l'origine. Les cerfs-volants, les avions et cocottes chères à notre enfance, ou encore le pliage et les vêtements. Vraiment très très vaste cette première édition de la fête du papier. On retrouvera une jeune artiste qui se nomme Félicia, qui est artiste dans la matière mais néanmoins déjà experte. Cette passionnée d'origami multiplie les pliages de toutes les formes et de toutes les couleurs. Eh bien, il y aura donc toute la journée des ateliers d'origami pour pouvoir créer un petit peu ces formes. Fleurs et animaux sont ses sujets favoris. Est-ce que c'est elle qui va animer ces ateliers d'origami, cette Félicia, ou alors non. Elle va exposer peut-être simplement? Oui, elle va exposer. Je pense qu'elle pourra initier également les personnes qui le désirent. Oui. Et au niveau de l'origami, nous avons 5 personnes qui exposeront. Voilà. D'accord. Avec un travail tous différents. Voilà, qui expliqueront leur travail. Ça, c'est chouette, avec vraiment des réalisations très, très... Très diversifiées. Oui, et très originales. Oui. C'est vrai que c'est plutôt sympathique à regarder. Alors, on parle de quoi ensuite pour cette première édition de la fête du papier? Je pense qu'on a retracé. Donc, on peut parler d'animation de l'après-midi, je crois. Oui. On n'en a pas au niveau de l'orchestre. Le matin, nous avions donc l'Union musicale de Golbe. L'après-midi, nous aurons la fanfare Blue Dixit Band. C'est un groupe qui nous vient des Forges, à 3 km de là, et qui animera tout l'après-midi en déambulant entre les stands, en se promenant. Ils pourront aussi être sur le podium. Donc, ils devraient apporter un petit air musical fort sympathique. Ils vont égayer votre après-midi. Ils seront 5 musiciens, trompettistes, trombonistes, banjoïstes, tubistes, batteurs. Waouh, ça va bouger à Golbe. Ça va donner une belle animation. C'était important de faire faire venir un petit peu le local, contribuer les gens du secteur à cette première édition de la fête du papier, bien évidemment. On veut mobiliser les gens et puis on a envie de faire parler un petit peu de ce qui se passe dans le coin. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Redynamiser un petit peu la ville, c'est vrai que la faire découvrir sous toutes ses formes. Et c'est vrai que créer cette fête du papier, je pense que ça pourra apporter beaucoup de monde à Golbe et faire découvrir un petit peu ce que l'on veut présenter, quoi. C'était important, ça, c'était vraiment le but premier, de faire un petit peu redécouvrir cette ville qui est Golbe. Oui, puis redynamiser cette ville. C'est vrai que, bon, à Golbe, on fait beaucoup de choses. C'est vrai que tous les mois, il y a un spectacle qui est proposé au Golbéen. Et puis là, on voulait vraiment créer une belle fête, mais une grande fête. Oui. Voilà. Qui n'existait pas. Voilà. Qui n'existait pas encore jusqu'ici. Voilà, donc là, on va découvrir et on espère que ça va être un vrai succès. Et à Golbe. Et qu'il y aura énormément de monde pour que l'on puisse, l'année prochaine, se remettre au travail et puis représenter quelque chose de bien. Voilà. Et Golbe, c'est une ville agréable. C'est une ville agréable où il fait bon vivre, puisque nous avons la chance, nous, de voir notre population augmenter, contrairement, malheureusement, certaines autres villes du département. Donc, c'est que les gens, s'y sentent bien. Donc, d'autres sont attirés par Golbe, mais ils sont bien sûr les bienvenus. C'est vrai, il y a combien d'habitants à Golbe ? 8700. 8700, donc c'est sympathique, c'est mignon, c'est charmant Golbe. Hein. Moi, j'aime beaucoup personnellement, c'est pas très objectif, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est entre la ville et puis il y a quand même un côté un petit peu familial. Oui, entre la ville et la campagne, mais c'est vrai que si vous pouvez vous balader le long du canal, les pistes cyclables. On a malheureusement pas beaucoup de monuments, on va dire, monuments historiques. C'est assez pauvre à ce niveau-là, mais c'est comme ça. Mais on peut y passer de bons moments, festifs, en balade, ou tout autre moment que l'on veut passer. Du soleil, pas de la pluie, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est sympathique. Oui. Et puis ben là, ce sera l'occasion de découvrir cette petite ville qu'est Golbe et puis tout l'investissement de toutes les personnes qui vont contribuer à cette Exactement, fête. C'est vrai qu'on remercie effectivement tous les bénévoles, toutes les personnes qui se sont associées à nous pour présenter cette fête du papier, qui ont œuvré dans ce domaine, et c'est vrai que ça représentait un énorme travail. Ça vous fait plaisir. On les remercie vraiment du fond du cœur. Merci à Elodie Cherpitel qui a fait vraiment un énorme, énorme travail à ce niveau-là. Ça vous fait plaisir de voir un petit peu l'investissement puis la cohésion de toutes ces personnes autour de ce projet-là. Oui. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas, réaliser ça à deux ou à trois. Donc il faut l'adhésion de je dis pas de tout le monde, mais d'un maximum de personnes de bonne volonté. Oui. Et oui, et puis on le voit, c'est plutôt très très bien parti. On va retracer un peu les membres actifs qui vont participer. Donc l'association des Arbres pour la Vie. Oui. L'école supérieure d'art de Lorraine, dont on a parlé tout à l'heure, avec ses étudiants qui ont accepté de participer à cette aventure en créant bien sûr des œuvres uniques spécialement pour l'occasion. On les connaît, ces étudiants de l'école supérieure d'art de Lorraine qui sont plutôt très très doués. Ensuite, Golbe Animation, le centre social Louise Michel, bien sûr la papeterie Norseskog qui vous présentera toute la filière de l'emploi autour du papier, mais aussi toute la transformation que subit de l'arbre jusqu'à la fin. Et la Sicovade, justement, pour terminer sur cette fin du papier, comment recycler vos papiers correctement. Festival, donc, qui vous présentera ce fameux spectacle de cerf-volant, Blue Dixie Band, dont vient nous parler monsieur Pascal Larrière, qui vous présentera un show musical. Histoire de rester dans la dynamique et dans l'ambiance. L'Union musicale de Golbe, ce sera le matin qu'ils présenteront leur musique. CQFD Events, ce sera l'animation autour de la photographie et de la création de ce petit personnage qui viendra habiller la photo que vous aurez prise, la photo que l'on aura prise pour vous plutôt. Et puis bien sûr, la société des fêtes. Voilà, très bien. Je crois que vous avez tout relaté. Et puis on va dire avec deux bonnes semaines d'avance, bienvenue à tous vos auditeurs dans une ville dynamique et attractive. Et on espère qu'ils seront très heureux de cette journée passée en notre compagnie. Eh bien, on l'espère aussi. Voilà, on souhaite qu'il y ait le plus de monde possible pour justement remercier toutes les personnes qui ont œuvré Et c'est vrai que pour nous, ce serait formidable de voir énormément de monde. Et merci aussi à vous, Lia, de nous avoir reçus ce matin pour que l'on puisse parler un petit peu de cet événement. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on peut faire un petit point sur le programme. Ah bah pas de souci, on peut faire un petit point sur le programme, allez-y. Donc à 10h, donc, début de la journée. Oui. 10h30, ce sera l'inauguration. De 11h à midi, ce sera le concert de l'Union musicale de Golbey. À 14h30, le concours de lancer d'avion en papier. À 15h30, ce fameux spectacle de cerf-volant. À 16h30, le défilé de mode de vêtements. À 18h, ben voilà, la clôture de cette fameuse journée de fête du papier. Voilà. En espérant que tout le monde se sera vraiment régalé à cette fête. Et puis n'oubliez pas, vous pourrez vous restaurer, etc. sur place. Vous pourrez passer toute la journée. Je pense que cette fête, elle a vocation intergénérationnelle également. Parce qu'il y en aura vraiment pour tout le monde. Les petits comme les grands, venez vous émerveiller au sein de Golbey avec cette première édition de la fête du papier qui aura lieu, je vous le rappelle, dimanche 29 avril. Cette émission sera rediffusée ce soir pour les couches-tards à minuit. Elle sera également présente sur notre site internet et notre page Facebook en lien avec le podcast de cette émission. Et bien, toutes les informations relatives à cette première édition de la fête du papier. Je remercie très chaleureusement Monsieur Pascal Larrière, premier adjoint au maire de Golbey, d'être présent aujourd'hui avec nous, et Madame Jasmine Perrini, adjointe aux fêtes et cérémonies de Golbey également. Merci vraiment à tous les deux d'être passé par la bulle pour nous parler de tout ça. Une très très belle fête du papier. Merci. À vous. Merci à vous. Lia. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Pour tous nos auditeurs, je vous souhaite un très très bon week-end et puis surtout n'oubliez pas, c'est comme tous les jours, bonheur, joie et rire à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that method's pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.